Tout au champ, prêt à toi, là, ça chute, moi, j'y vais. Allez. Et combien? Je t'en vais, héros. Merci beaucoup. Tous les tomates, c'est à 50 euros. Ça vaut combien? Mets-la, mets-la. Il en faut combien? Merci. Tous les tomates, hein. Merci beaucoup, monsieur. Tous les tomates, c'est à 50, allez-y. Et les pommes? Je suis occupé. Allez, on mange tous les tomates à 50, tous les tomates. Deux mois après divorce, quand, enfin, allez, on fait moitié-moitié tout. Et ça, c'est à part. C'est vrai? Ouais. Attends, deux minutes, laisse-moi finir avec les filles, hein. 10,80, s'il te plaît. On arrive. Là, il y a un truc, là, c'est bon. Là. Non, mais je t'ai dit, hein? 50, tu auras 50. Oh, c'est bon, viens, madame, on va prendre le va te servir, va te servir. Va te servir. Allez, tous les tomates, Bonjour, les frères. Allez, tous les tomates, T'as vu, là, il a baissé tous les tomates depuis tout à l'heure. Chou Bruxelles, combien Chou Bruxelles? 3,0 le kilo, madame. 2,50. Vous partez? Tu mets les grosses, Donc je reviens. Fermez-vous, allez-y. Hein. Souris, vous êtes filmé. Vous allez sortir sur Facebook là. C'est Facebook, monsieur, non? C'est des fans, des filles. Mais Kiki, merci Facebook. Il n'y a pas d'image. Oh là, il n'y a plus de patates, hein? Les grosses patates. Si, il y en a encore là. Oran! Ça va, chinois, qu'est-ce que t'es beau, toi? Plus tu te manges des fruits, plus tu deviens beau. Plus tu manges des fruits, plus tu es beau, lui. T'as vu ça, comment il est beau? Oh là là! Ouais, c'est bon. T'es beau, oui, t'es beau. Tu m'as dit combien? Oui. Tu veux quoi? Des carottes. Voilà, ça c'est pour toi, et toi tu rappelles les carottes. Inch'Allah. Non. C'est là que vous voulez la bonne? Ouais, n'oubliez pas de payer en partant, hein. Vous êtes filmé, là. Qu'est-ce qu'il dit? N'oubliez pas de payer en partant, je dis. Ah, tu l'as pas fait, toi, t'as pas. Ah, j'arrive, ma chérie. Oh là là, je t'ai oublié. Tu veux qu'elle, ça? Bah ouais, c'est le même prix. Tu mets la bœuf, c'est meilleur. En plus, c'est le même prix que la normale. Cœur de bœuf ou cœur de cochon, tu veux lesquels? Pas la sûre, ça va faire. Ça va acheter deux bœufs. On est pas loin, hein. En plus, on prend la bœuf. Tiens, ma chérie, ça sera tout. Plus jamais comme ça, comme nous. Comme qui? Comme la grosse? Ah ouais, il m'aime pas, tu vois. Oh, elle a dit la grosse, hé. Je t'ai vu, là. Il y a 2 euros, c'est bien, les gars. Bouge pas, tes mains. Voilà, ma chérie. Oh, la grosse. Ouais. Celui-là. Ok, ok. Ok. Banane, c'est 1,50. Oui, servez-vous, allez. Prenez-la aussi. Avec ça, ma chérie. 2,40, s'il te plaît. Allez, vas-y là, vas-y là. Ça va, les mademoiselles? Oui, allez-y, servez-vous. Comment je dis? Bien, oh là là! S'il vous plaît. Merci, bonne journée, à la prochaine. Allez, vas-y, on remballe pas là. Oh, oh. Non, avec ça, 2,50 s'il vous plaît. Merci. Allez. S'il vous plaît. Allô, monsieur. Bonne journée. Payé. Oui. Ah si, je vais te payer. Bah oui, il faut y payer. Deux salades. Avec ça. Il n'y a pas 20 centimes qui traînent, s'il vous plaît. Deux paquets, deux paquets, deux paquets, aspirants, vas-y, tous les tomates à 50, hein.